بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا في الدروس الماضية أن حالمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. Nous avons vu lors des cours précédents que Halima bint Abi Dhu'ayb Sa'diyya, c'est elle qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika min an-nisa illati arda'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Thuwayba wa hiya mawlatun li Abi Lahab. Et parmi les femmes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi Thuwayba. Thuwayba, donc, elle a aussi allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Halima. Et Thuwayba qui est Maulatun li Abi Lahab. Et donc, Maulat, on avait dit la dernière fois, c'était une esclave qui avait été affranchi. Voilà. Et donc, c'est donc Abu Lahab qui l'a affranchi. فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانِ. Il a été rapporté dans Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim. Le plus haut degré d'authenticité. Selon Habiba, qu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Épouse ma sœur ». Elle lui a dit « Épouse ma sœur ». Elle est mariée avec Rasulullah, le meilleur de la communauté, et elle lui dit « Épouse ma sœur ». Épouse-la. Urt Nam bint Abi Soufiane, donc la fille de Abi Soufiane. Et dans certaines riwayas, elle l'a cité, son nom, Izza, ou Azza. Et les savants, ils ont divergé, est-ce que c'est réellement son nom, ou c'est un surnom qui lui a été donné? Certains ont dit que non, son nom c'est Hamna. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas de fille de Abi Soufiane qui s'appelle Izza. Wa fi riwaya, annaha sammatha, donc comme je viens de vous dire, donc il y a certaines riwayas qui stipulent qu'elle l'a cité. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Etuhibbina dhalik ? Est-ce que tu aimerais ça ? Tu aimerais que je me marie avec ta sœur ?» Qalat na'am lastu bi makhliyatin lak wa ahabbu man sharakani fi khairin ukhti. Elle a répondu en disant « Na'am, j'aimerais bien. Je ne suis pas seul avec toi. » Tu as déjà d'autres épouses, je ne suis pas seul avec toi. Et la personne que j'aimerais le plus, la personne dont j'aimerais le plus, qui partage un bien avec moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Je te dis, subhanallah, la jalousie, la femme, elle est jalouse. C'est normal. Mais là, subhanallah. C'est-à-dire à tel point donc, que la femme mette sa jalousie de côté pour proposer sa propre sœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Certes, cela ne m'est pas légiféré. » قَالَتْ فَإِنَّا نُحَدِّثُ أَوْ نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَن تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. Alors, lorsque le prophète lui a dit cela ne m'est pas permis, elle lui a répondu en disant, certes, il nous est rapporté, il est dit que tu veux te marier avec la fille de Abi Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond en disant, بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ. Donc, tu veux dire la fille de Ummi Salama. Donc, parce que on a donc Abu Salama qui a des enfants, que ce soit avec Ummu Salama ou avec d'autres. Donc là, il précise la fille de Ummu Salama. Qalat na'am, elle répond en disant oui. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit laula law annaha lam takun rabibati fi hajri ma halat li innaha labnatu akhi min ar-rida'a arda'atni wa aba salama thuwayba fala ta'ridna alayya banatikum wa la akhawatikum. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond en disant même si elle n'avait pas été ma rabiba. C'est quoi la rabiba en arabe? Hein? Bintou Zawj. Rabiba. Et donc, si ce n'était pas la fille de mon épouse, même si ce n'était pas la fille de mon épouse qui vit avec moi, fi hajri, elle ne m'aurait pas été licite. C'est-à-dire que la fille, il n'est pas permis à l'homme de se marier avec la fille de son épouse. Un homme qui a une femme, cette femme, elle a un enfant d'un autre mariage. Il n'est pas permis à cet homme de se marier avec cette fille. Et donc là, le prophète, il dit, même si elle n'avait pas été la fille de mon épouse qui vit avec moi, elle ne m'aurait pas été licite. Et donc, il y a une autre raison. Il précise après en disant, c'est certes ma sœur. Excusez-moi, c'est certes la fille de mon frère de lait. Abi Salama, la fille de mon frère de lait. Certes, Thuwayba, elle nous a allaités, moi et Abba Salama. Et donc ce hadith est une preuve que Thuwayba, elle aussi, elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme Halima. طيب وفتكلمنا عن اللواتي اللاتي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. Donc nous avons parlé des femmes donc qui ont allaité le prophète صلى الله عليه وسلم. Mais من هن اللاتي حضن النبي صلى الله عليه وسلم. Qui sont les femmes qui se sont occupées du prophète صلى الله عليه وسلم durant son enfance. Fahunna ummuhu Amina bint Wahb. Et donc ces femmes ce sont premièrement sa mère Amina bint Wahb. Wa kadhalika Thuwayba. Aussi Thuwayba, elle s'est occupée de lui durant son enfance. Wa Halima Sa'diya. Et on a aussi Halima Sa'diya qu'on a cité précédemment. Wa Shayma allati hiya ibnatu Halima Sa'diya. Shayma, vous connaissez Shayma? Non. Et donc c'était la fille de Halima As-Sa'diya. Elle aussi, elle s'est occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya allati aslamat kadhalika ba'da nubuwati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est aussi, elle est cette femme, elle s'est convertie, c'était ça, elle s'est occupée de lui donc durant son enfance. Et elle s'est convertie à l'islam après, donc, une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, est devenu prophète. Radiallahu anha. Wa hiya allati dakhala alayha Abu Bakr wa Umar ba'da mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya tabki. Et c'est cette même femme dont Abu Bakr et Umar, ils sont venus la voir après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle pleurait. Elle pleurait. Faqala lahuma ma yubkik? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qala laha, ils lui ont dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ma li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda rabbih khair? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a auprès de son Seigneur est mieux. Pourquoi est-ce que tu pleures? Oui, il est mort, mais il est auprès de son Seigneur, c'est mieux encore. Elle a dit, la wallah. Elle a dit, la ebki ala wafatihi. Je ne pleure pas sur le fait qu'il soit mort. Lakini ebki ala inkita'il khabari min as-sama'. Cependant, je pleure concernant la rupture des informations venant du ciel. Al-Wahy, la révélation. Je pleure concernant la rupture de la révélation. Le prophète, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a plus de révélation venant du ciel. Et voilà pourquoi elle pleurait. Et donc Abu Bakr et Omar, les deux, ils se sont mis à pleurer, radiallahu anhum. Et c'est comme cela que doit être le muslim. Le musulman, il se peut qu'il pleure concernant la rupture des cours. Ces assises, ces belles assises et apaisantes, durant lesquelles nous nous rappelons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces assises qui font monter la foi. Bel hiya min akbar il asbab li ziyadati al iman. Ces assises qui font partie des plus grandes causes qui font monter la foi. Fal muslim law intaqala min baladin fihi durus ila baladin laysa fihi shay yabki. Le musulman, s'il déménage d'un endroit durant lequel un endroit dans lequel il y a des cours vers un autre endroit dans lequel il n'y a pas de cours, il pleure. Ça nous manque les durus, on veut ces rappels qui nous rapprochent d'Allah. Certains salafs, ils nous disaient « Ijlis bina, nu'min sa'a. » Assieds-toi avec nous, nous allons avoir la foi pendant quelques instants. Ils voulaient dire par là, nous allons augmenter notre foi. Pourquoi ? Parce que les rappels, les assises de science, sont des causes qui augmentent la foi des musulmans. « Wahuna » سؤال يطرح هل مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام أو على الشرك والكفر؟ Est-ce que les parents du prophète صلى الله عليه وسلم sont morts musulmans ou alors sont morts en situation de polythéiste et mécréance? Fais-le jawab. Les deux parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts en état de polythéiste et de mécréance. Comme cela a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. An Bureida, annahu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانكم حتى آتيكم. Et donc Bourayda, il a dit, nous sommes sortis avec le prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à ce qu'il nous dise مكانكم. Ça veut dire quoi مكانكم? Restez à vos places. On peut dire مكانك, reste à ta place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ses compagnons, Mekanakum, restez à vos places jusqu'à ce que je revienne. Fadahaba wa kanu fi wadin yuqalu lahu Waddan aw fi mantaqa yuqalu laha Waddan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti alors qu'ils étaient dans une place, une région qui était appelée Waddan, ou alors donc un wadi qui était appelé Waddan. Puis il est revenu. Thumma raja'a ila ashabihi. Ensuite il est revenu voir ses compagnons. Wa ka'annahu wa huwa thaqilun ka'annahu nazala 'alayhi shay. Et lorsqu'il est revenu voir ses compagnons, il avait l'air lourd et apaisé par quelque chose, comme si quelque chose l'avait touché, comme si quelque chose l'avait atteint. Fa qala إني أتيت قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, donc, il a dit à ses compagnons, j'ai été à la tombe de la mère de Mohammed, donc sa propre mère, et j'ai demandé à mon Seigneur qu'il m'accorde l'intercession, qu'il me permette de lui faire intercession. Et il me l'a interdit. Unzuru ila hadha. Ila hadha al-amr al-azim. An-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muni'a min ash-shafa'a li'annaha matat 'ala al-kufri wash-shirk. Regardez donc ce sujet terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été interdit de faire intercession à sa propre mère parce qu'elle est morte en situation de polythéiste et de mécréance. Wallahi ya ikhwa, هذا الامر مخيف. هذه المرأة التي انجبت نبيا من انبياء الله لم تنتفع بهذا الامر من بسبب وجود الشرك والكفر. Cette femme qui a enfanté un prophète parmi les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela ne lui a pas été profitable à cause du polythéisme et de la mécréance. Et lorsqu'on médite sur cette histoire, on comprend l'importance de ce sujet. Beaucoup de personnes nous disent « Ah, mais à chaque fois, tawhid, shirk, tawhid, parlez-nous d'autre chose, racontez-nous des histoires. » Mais subhanallah, connaissez-vous le danger du polythéisme ? Cette femme, elle a engendré un prophète. Combien de femmes il y a comme ça sur terre ? Combien de femmes sont passées sur cette terre en ayant engendré un prophète ? Malgré cela, ça ne lui a pas été profitable. Subhanallah. Et donc, chacun d'entre nous doit méditer sur cela. فَهَذِهِ الَّتِي أَنْجَبَتْ نَبِيًّا لَمْ تَنْتَفِعْ بِهَذَا الْأَمْرِ فَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِهَذَا السَّبَبْ مَذَا يُقَالُ فِيهِ. Et donc cette femme qui a enfanté un prophète, cela ne lui a pas été profitable à cause du polythéisme. Quelqu'un qui n'a pas fait cette cause, quelqu'un qui n'a pas engendré un prophète, qu'est-ce qu'on va dire pour lui ? Il n'a pas engendré un prophète. Quel argument il aura ? Si même la personne qui a engendré un prophète n'a pas d'argument à cause du polythéisme. Nous devons réellement méditer sur ce genre de situation. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa kam mim malakin fis samawati la tanfa'u shafa'atuhum shay'an illa mim ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. » Et combien d'anges dans les cieux dont leurs intercessions ne sont pas profitables. Leurs intercessions ne sont pas profitables. Sauf lorsque Allah tabaraka wa ta'ala l'autorise pour qui il veut. Pour qui il veut et pour ceux qu'il agrée. L'intercession, elle est donnée à ceux que Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Et donc toi, si aujourd'hui tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu dois faire ? Rechercher l'agrément de ton Seigneur. Rechercher l'agrément de ton Seigneur. Car sa propre mère n'a pas pu bénéficier de son intercession. Pourquoi ? À cause de l'agrément. Pour avoir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut que tu sois monothéiste. Monothéiste pur. فَيَنْبَغِ لَنَا أن نخاف من الشرك عباد الله. كونك جلست عند العلماء لا يعني أنك لا تدخل النار. Nous devons donc, ô mes frères, avoir peur du polythéisme. Le fait que tu t'assieds auprès des savants ne veut pas dire que tu ne vas pas rentrer dans le feu. وكونك من أسرة ذات شرف لا يعني أنك لا تدخل النار. Le fait que tu viennes d'une famille, d'une grande renommée, ne veut pas dire que tu ne vas pas rentrer dans le feu. وَحَتَّى النِّسَى, même les femmes. كَوْنُكِ زَوْجَةَ رَجُلٍ صَالِحٍ لَا يَعْنِي أَنَّكِ لَا تَدْخُلِينَ النَّارِ. Le fait que tu sois la femme d'un homme pieux ne veut pas dire que tu ne rentres pas, que tu ne rentres pas en enfer. On a quoi comme histoire par rapport à cela ? زوجت نوح ولوط. الله تبارك وتعالى كي نودي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الله a cité l'exemple, il a donné l'exemple à ceux qui ont mécru. Donner un exemple pour ceux qui ont mécru. L'exemple de la femme de Lot, la femme de Nour et la femme de Lot. Elles étaient avec deux de nos serviteurs pieux. Elles étaient avec deux de nos serviteurs pieux. Elles les ont trompés dans la religion. Et donc le mariage avec eux ne leur a été profitable en rien du tout. Et il fut dit, rentrez dans le feu avec ceux qui y rentrent. Il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas parce que tu es la femme d'un tel, ou le fils d'un tel, ou le frère d'un tel, ou autre. Il n'y a pas de distinction. Rentrez dans le feu avec ceux qui y rentrent. Nous devons donc méditer sur cela, ô mes frères. Écoutez la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas juste pour écouter, mais nous devons aussi méditer et tout faire pour changer et enlever les quelques défauts que nous pouvons avoir. وفي رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله. Et donc dans une narration citée par le Bayhaqi dans son recueil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Alors Omar lui a dit, mais qu'est-ce qui te fait pleurer, ô messager d'Allah? Faqala hadha qabru Amina, Aminata binti Wahb. Ista'zantu rabbi fi an azura qabraha fa adhina li. Wasta'zantuhu fi istighfar laha fa aba alayya fa adrakani riqqatuha. Allahu Akbar. Lorsque Omar il a demandé au prophète pourquoi tu pleures, il a dit, ceci est la tombe de ma mère. J'ai demandé à mon Seigneur la permission de la visiter. Alors il me l'a autorisé. Et je lui ai demandé la permission d'implorer son pardon. Alors il me l'a refusé. Je me suis alors rappelé sa douceur. Et j'ai pleuré. Subhanallah. Quelle épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il s'est opposé à l'ordre d'Allah? Non. Il s'est soumis. Tout comme les messagers qui sont passés avant lui. Aslamna li rabbil alamin. Nous nous sommes soumis pour le Seigneur de l'univers. Wa fi riwayati muslim. Et dans le recueil de muslim. إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. الله أكبر. Et donc dans une autre conversion dans le recueil de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, j'ai demandé à mon Seigneur la permission de visiter la tombe de ma mère. Il me l'a accordé. Et je lui ai demandé la permission d'implorer son pardon. Il me l'a refusé. Et je vous interdisais auparavant le fait de visiter les tombes. Alors faites-le, car cela rappelle la mort. Cela rappelle la mort. Wala shakka ya ikhwa anna ziyarat al-qubur amrun muhim. يتذكر المسلم بأنه يوما سيلحق بهؤلاء المقبورين وأنه سيكون وحده في قبر تحت التراب وأنه قد يعذب فيه. Et il n'y a nul doute, ô mes frères, que le fait de visiter les tombes est un acte très profitable et très important. Le musulman, il se rappelle à ce moment que un jour il va mourir et qu'il va rejoindre ces personnes qui sont enterrées et qu'il sera un jour seul dans cette tombe sous la terre et qu'il se peut qu'il se fasse châtier sous cette terre et que les êtres humains, ses frères, ses oncles, il n'ait pas la capacité de l'entendre ou de faire quoi que ce soit pour lui. Il sera seul. Wallahi nahnu bihaja ila ziyarati al-qubur litadhakkur al-akhirah Nous avons certes, mes frères, par Allah, nous avons certes besoin de visiter les tombes afin de nous rappeler l'au-delà, nous rappeler que nous allons mourir. Même minna, yazkuru fi ayyamihi annahu yawman sayamut. Qui d'entre nous se rappelle durant ces jours qu'un jour il va mourir et qu'à n'importe quel moment la mort peut venir à lui sans demander d'autorisation. Il faut qu'on se prépare pour cela. Nous faisons des projets l'année prochaine, dans 3 ans, etc. Mais tu ne sais pas, est-ce que tu vas traverser la route, tu te fais écraser ou autre. Tu ne sais pas, à n'importe quel moment, tu peux y passer. Est-ce que nous nous rappelons de cela? Il est important, le fait que tu vois ces gens qui sont enterrés et qui, comme toi, marchaient sur la terre, buvaient, mangeaient, mais un jour, ils ont été rattrapés par la mort. Nous devons méditer sur cela. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq. En vérité, lorsque l'âme s'apprête à sortir, l'âme de la personne s'apprête à sortir. Qila man raq. Les gens autour de cette personne qui est en train d'agoniser, ils disent, où est-ce qu'il y a un raqi, une personne qui puisse faire ruqya? Où est-ce qu'il y a un médecin, quelqu'un qui puisse le guérir? Ramenez quelqu'un. Eux, ils disent cela, mais lui, il est sûr et certain que ça y est. C'est la séparation. Il est sûr et certain que c'est la séparation. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Les autres qui sont en train de se dire, est-ce qu'il y a un médecin, vite, appelez un médecin, urgence ou autre. Mais lui, il est sûr et certain. Il voit les anges qui viennent récupérer cette âme. Et que c'est le moment où il va quitter cette dunya. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Elle est comment la traduction dans ce passage? وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ dans le Coran. Comment ils ont traduit? La jambe qui se retourne sur l'autre jambe. Ouais. Comment tu comprends ça? La jambe qui se retourne sur l'autre jambe. Les jambes qui se rapprochent, au moment de la mort. J'y ai pensé aussi. Il y a eu quelques savants de tafsir qui ont cité cette explication. Parce que... Non? El Berd? Non. Non plus. Es-saq. Ça veut dire quoi, es-saq, en arabe? Es-saq. Ibn al-Athir, il dit dans son livre As-Saq fi al-lughah al-arabiyya al-amru shadid. C'est une situation très difficile et lourde. Une situation très difficile et lourde. Voilà pourquoi certains savants les ont interprété l'autre verset Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Le jour où une difficulté sera soulevée et montrée en face d'eux. Yawm al-Qiyamah, la difficulté de ce jour. Les gens verront cette difficulté devant leurs yeux. Il leur sera ordonné de se prosterner. Tu imagines quelqu'un qui voit l'enfer devant ses yeux, la personne voit l'enfer. Il lui est ordonné de se prosterner, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Parce que dans l'au-delà, parce que ici-bas, elle ne se prosternait pas. Et donc, certains savants ont dit, il termine une situation difficile pour commencer une autre. Il termine une situation difficile, la mort. Il est en train de mourir, c'est difficile. Et dès qu'il la termine, il commence une autre. Yawm al-Qiyam. Al-Hisab. Ça commence. Il voit ce qu'il attend. Et le châtiment de la tombe. Et autre, et autre. Tu passes d'une difficulté à une autre. Wal-taffati saq bis-saq. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Et c'est vers ton Seigneur que tu retourneras en ce jour. Et donc nous devons tous nous rappeler que nous allons retourner vers notre Seigneur. Et cela fait du bien. Cela fait que l'individu s'améliore. Souvent nous faisons des péchés parce qu'on oublie cela. On oublie le fait qu'on va revenir vers notre Seigneur. C'est pour cela que les savants disent le fait que, c'est cité dans le Coran dans certains passages, le fait de commettre un péché, bijahala, il commet un péché par ignorance. Est-ce qu'une personne qui ignore que c'est un péché, est-ce que la personne, elle commet un péché? Non. Parce qu'elle elle ignore que c'est un péché. Et donc, ce n'est pas un péché. Du moins, ce qu'elle fait est mal. Mais elle n'est pas châtiée pour cela par rapport à son ignorance. Et donc, pourquoi est-ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, elle nous cite ici le fait qu'elle commet un péché, bijahala? Les savants, ils disent, ça ne veut pas dire qu'elle ignore le péché. Elle n'ignore pas le péché. Elle a commis le péché. Elle sait que c'est un péché. Mais à ce moment-là, elle ignore les conséquences de ce péché dans l'au-delà. Lorsque tu commets chaque péché que tu commets, en réalité, tu ignores les conséquences de ce péché dans l'au-delà. Voilà pourquoi je me recommande ainsi qu'à vous le fait de nous rappeler l'au-delà le plus souvent que possible. Car cela fait un grand bien à l'individu. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on arrive à un autre sujet. Ma hukmu ziyarat al-kubur. Quel est le jugement quant au fait de visiter les tombes? Méditer. Oh, donc c'est permis. Et donc ça veut dire que tu peux aller dans le cimetière de Villeruy pour visiter les tombes? À Villeruy, c'est pas. À Villeruy. Moi, ici, on est à Villeruy ici. Moi, je parle pour Villeruy. Fadan. Je parle pour Villeruy. Hein? Et donc, est-ce qu'on peut aller à Villeruy? Non. Là, il y a Jouz. La yudfan al-muslim fi maqbarat al. Non, c'est pas permis d'enterrer un musulman dans un cimetière de non-musulmans. Là, on est tous d'accord. Maintenant, nous, on parle d'un autre sujet. Le fait que tu ailles visiter un cimetière de non-musulmans pour te rappeler la mort. Tu es là, tu te dis, subhanallah, je veux me rappeler la mort, je vais dans le cimetière à Villeruy. Non. Attends. Il a visité la tombe de sa mère. On est d'accord. Et son Seigneur, il lui a ordonné. Et après, il a dit, fais zourul kubur, alors visitez les cimetières. Il n'a pas précisé, il n'a pas dit visiter les cimetières des musulmans. Il venait visiter la tombe de sa mère et il dit aux musulmans, visitez les cimetières. Car cela rappelle la mort. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il aborde le sujet comme dans Majmou' al-Fatawa. Le résumé de ce que cite Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit donc, en résumé, que le fait de visiter les tombes se divise en quatre cas. En quatre cas. Premièrement, ziyarat kubur al-muslim lid-du'a ilahu. Premièrement, le fait de visiter la tombe d'un musulman pour invoquer pour lui. Permis ou pas? Visiter la tombe d'un musulman pour invoquer pour lui. Adjouz? Mais tu peux invoquer pour lui depuis chez toi. Hein. Ah. Mais là, tu y vas pour invoquer pour lui. C'est autre chose, donc permis. Adjouz? Oui, Adjouz. Et donc, c'est permis. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, qui dit à son messager concernant les polythéistes, concernant les munafiqin, concernant les hypocrites. Allah il dit wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Ne prie pas sur aucun d'entre eux qui est mort. Les munafiqin, les hypocrites. Ne prie sur aucun d'entre eux qui est mort. Et ne te tiens pas debout sur sa tombe. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ils ont certes mécru en Allah et en son messager et ils sont morts alors qu'ils sont fasiqun, de grands transgresseurs. Expliquez-moi s'il vous plaît où est la preuve dans ce verset. La preuve que c'est permis de visiter la tombe d'un musulman pour invoquer pour lui. Ne prie pas. Voilà ta koum à la kobri. Mais là, on parle d'un munafiq. C'est un muslim, c'est bon. Ah, mashallah. Allahumma barak. Exactement la parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Il nous dit donc Allah tabaraka wa ta'ala qui interdit à son prophète de prier sur un munafiq. Et de se tenir debout sur sa tombe. Se tenir debout sur sa tombe, Cheikh al-Islam nous dit, c'est pour invoquer pour lui. C'est comme lorsque la personne, elle prie sur un mort, la prière mortuaire, ce sont des invocations pour ce mort. Et donc, Allah, il a interdit cela, pourquoi? Il a expliqué pourquoi. Il dit, fa innahum kafaru billahi wa rasuli. Car ces gens ont mécru en Allah et en son messager. Cheikh al-Islam, il te dit, et donc, fa idha intafat hadhihi al-illa, intafa al-hukm. Si cette cause n'est plus présente, alors le jugement, l'interdiction n'est plus présent. Et donc, ça veut dire que si le musulman meurt, tu peux prier sur lui, comme on fait Salat al-Janaza, on prie sur les musulmans, et tu peux aller te tenir donc près de sa tombe et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. Et donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, ziyaratu qabri al-mushrik litadhkiri bil-akhirah. Et donc, c'est le fait de visiter la tombe du polythéiste, pour se rappeler l'au-delà, sans pour autant invoquer pour lui. Tu dis quoi? Le hadith de Umm Nabi, exactement. Et donc, Naam, Yajouz, c'est permis. Et donc, la preuve, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ait visité la tombe de sa mère et qu'ensuite, ils nous disent, visitez les cimetières, car cela rappelle la mort. Et donc, là, c'est permis. Troisième cas, ziyaratu qabri mushrikin lid-du'a ilahu. Le fait de visiter la tombe d'un musulman, d'un polythéiste pour invoquer pour lui. Le même hadith. La yajouz. Et donc, c'est pas permis. Et la preuve, le même hadith. Le verset qu'on a cité tout à l'heure. Exactement. Naam, on peut utiliser aussi le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et donc, ici, ce n'est pas permis. Quatrième cas, excusez-moi. Barakallahu fik. Ziyaratu qabrin yuqsadu biha. أن يطلب من الميت الحوائج ويطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أوج أو أن ذلك أجوب. Et donc le dernier cas, yajouz ou la yajouz? Shirk. Mais j'ai pas encore traduit les frères. Alors, yajouz, j'entends shirk, j'entends... La yajouz. Alors, on traduit déjà le fait de visiter une tombe avec intention de demander aux morts concernant les besoins et de demander aux morts d'invoquer et de demander aux morts l'intercession. Ou alors, il nous dit Cheikh al-Islam, ou alors, le fait que la personne, elle ne va pas demander. Donc, attends, avant d'arriver à cette deuxième partie, on s'arrête déjà à cette première là qu'on a vue. Tout ce qu'on a vu là, c'est du shirk. Tout ce qu'on a vu, c'est du, tout ce qu'il a cité là, c'est du polythéisme. La personne, elle va, elle demande aux morts d'invoquer pour elle, elle demande aux morts la shafa'a, etc., l'intercession, tout cela, c'est du polythéisme. D'accord ? Ensuite, le cheikh, il nous dit, en yuqsadu ad-du'a 'inda qabrihi. لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. Ou alors le fait que la personne ait l'intention d'invoquer près de la tombe. Mais ce n'est pas pour le mort, forcément. C'est invoquer pour le pour les musulmans, invoquer n'importe quelle invocation. Invoquer près de cette tombe, Pourquoi? Parce que la personne pense que le fait d'invoquer à cet endroit-là est une cause de que l'invocation soit exaucée. La personne va aujourd'hui, elle va en Umrah. Elle passe près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'arrête et elle invoque pour ses parents, pour sa famille, pour ses enfants, ses biens, sa religion. Elle a invoqué que Allah Azza wa Jal. Elle n'a pas invoqué le prophète. Yadjouz ou la Yadjouz? Ça dépend de Nia. Non, mais là, ce n'est pas Salam Ali. Là, la personne, elle va, elle fait. Elle se met près de la tombe, elle sort son truc de doa. Yallah, bismillah. C'est parti. Il a pris pour sebeb quelque chose qui n'en est pas. Il a pris une cause qui n'existe pas dans la législation. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il nous dit, aucun des salafs n'ont fait cela. Aucun. Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, il a répliqué à cela de façon surprenante, en citant énormément de preuves et en répliquant à tous les hadiths faibles que vont nous citer certains par rapport à cela. Certains vont venir avec des hadiths inventés. Des hadiths inventés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Venez à ma tombe pour faire des invocations, etc. etc. » Subhanallah. En totale contradiction avec ce qui est authentique dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit la'ana al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la tajalu qabri 'idan. Ne faites pas que ma tombe soit un 'id, c'est-à-dire un endroit où les gens ils viennent à chaque fois pour invoquer, etc. Non. Et donc cela est interdit dans notre législation. Cela est totalement, formellement interdit. Tu veux invoquer ? Tu peux invoquer où tu veux, alhamdoulilah. Après, c'est permis, tu vas visiter un mort, tu vas te rappeler de l'au-delà, t'en profites pour invoquer pour lui, alhamdoulilah. Mais le fait de penser que invoquer à ce mot, à cet endroit-là, est une cause qui va faire que ton invocation soit exaucée, alors non. Ça, c'est une bid'a, c'est une innovation. إذا أتيت المدينة وذهبت إلى المسجد النبوي فحينئذ تمر به. أما قصد السفر لزيارة القبر فلا. Donc il a demandé, est-ce que c'est permis de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, j'ai dit que si tu vas à la ville, si tu vas à Médine, et que tu vas au Masjid Nabawi, et donc tu es juste à côté, il n'y a pas de mal qu'à ce moment-là, tu vas visiter donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait que tu voyages pour cela, alors non. Le fait que tu voyages avec intention de visiter la tombe du prophète pour cela, non. Ça, c'est pas permis. Faites attention à ça. Donc on fait la distinction entre les deux. Le fait de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de visiter sa tombe. Et donc pour les personnes qui veulent plus de détails par rapport à ça, puisque j'ai résumé la parole de Cheikh al-Islam, ils reviennent donc au Majmou al-Fatawa à la page numéro 165, le Mujalled, le premier volume. Donc, non 165, mais à 560. Mujalled al-Awwal. إذن أم النبي صلى الله عليه وسلم مآلها إلى النار. Et donc la mère du prophète صلى الله عليه وسلم, son refuge final est le feu. وهذا يعارض بعض الناس فيه يقولون مستحيل أن يكون أمه وأبوه في النار. لكن هذا الاعتراض لما جاء بأدلة صريحة. Et donc il y a certaines personnes qui s'opposent au fait que la mère et le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam aillent en enfer. Ils disent, comment est-il possible que le père ou la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam aille au feu? Mais en réalité, cette opposition, elle est faite contre, elle s'oppose, excusez-moi, à des preuves claires et authentiques. Comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih muslim an Anas anna rajulan qala ya rasulallah ayna abi. Dans le recueil de Muslim selon Anas, un homme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, où est mon père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, finnar, ton père est dans le feu. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, abi, inna abi wa abak finnar. Lorsque le prophète il a vu que cette personne, ça l'a touché, le prophète il lui a dit, certes, mon père et le tien sont dans le feu. Les deux. لماذا هم في النار؟ لأنه كان دين عيسى ودين إبراهيم موجودين. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le feu? Parce que la religion de Isa et la religion de Ibrahim, elles étaient présentes à Quraysh. زيد بن عمرو ابن نوفيل تمسك بدين إبراهيم وكان موحدا. زيد بن عمرو ابن نوفيل il s'est accroché à la religion d'Ibrahim et il était monothéiste. وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى. Et ورقة ابن نوفل, lui, il s'était accroché à la religion de عيسى. فهما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بخير. Et donc ces deux individus, Waraka et donc Zayd ibn Amr ibn Nufayl, tous les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités en bien. Fekana dinu Ibrahim wa dinu Isa wasala aw wasala ya ila Quraysh lakinnahum abaw fafaddalu ibadat al asnam. Et donc la religion de Ibrahim et la religion de Isa sont parvenues à Quraysh. Cependant les habitants de Quraysh ont refusé cela et ils ont favorisé le fait d'adorer leurs idoles. وَجَاءَ عَرَبِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَيْنَ أَبِي. Un homme, un bédouin, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est mon père? فَقَالَ هُوَ فِي النَّارِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il est au feu. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ شَيْئًا فِي نَفْسِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبُوكَ. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, ton père est au feu, cet homme, comme s'il a senti une difficulté en lui, alors il a dit au prophète, ô messager d'Allah, où est ton père? Le prophète il lui a dit, il est, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, حَيْثُمَا مَرَاتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ. Le prophète il a dit à cet homme, à chaque fois que tu passes à côté de la tombe d'un mécréant, alors annonce-lui le le feu. Annonce-lui le châtiment du feu. Fait eslam al-arabi. Wa qala laqad kallafani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fama marartu bi qabri kafirin illa bashartuhu bin-nar. Et donc ce bédouin il s'est converti à l'islam et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a chargé de cette tâche, je ne suis passé à côté de la tombe d'aucun mécréant sans que je lui annonce le châtiment de l'enfer, le châtiment du feu. Wal maqsoud anna alladhina matu fi dhalika alwaqt kanu ya'budun al-asnam fama aluhum fi ila an-nar. Et donc ce qui est voulu par là, c'est que ceux qui sont morts à cette époque et donc qui adoraient les idoles, leur refuge final est donc le feu éternellement, même si ces personnes pouvaient avoir donc des liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, car cela ne leur est pas profitable. On arrête là pour aujourd'hui. Il y a un autre sujet que je voulais aborder, mais on le remporte à la semaine prochaine. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été donc circoncisé? Est-ce qu'il est né en état de circoncision? Parce que certains rapportent qu'il est né alors qu'il était déjà circoncis. On va aborder tout ça, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite et qu'il nous accorde une science profitable. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.